Les divas. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, bienvenue pour le deuxième débat. Vous êtes toujours sur Fun Radio, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-085. Devant ton micro, Gégé. Donc, c'est Manu qui est au standard, pour l'instant seul. Et Fuldar qui est à l'AREA. Ouais, on vient de s'écouter quoi, mon chien? Et justement, je vais le dire, donc vous pouvez toujours nous appeler aussi le Minitel qui doit fonctionner. Ouais, on est 23 connectés. Donc 36 15 code Fun Radio, rubrique directe, et toujours l'IRC, Rigo vous y attend, donc www.fr, Fun Radio. Et on est de s'écouter Paul Prédo avec tas de jambon qui transpire dans le torchon, le deuxième, je ne sais pas. Il arrive, tiens, c'est ça. Voilà, merci. Et le deuxième, c'était les... Généco en rupte avec Pousse-Pousse ma cochonne, voilà. Donc, deuxième débat. Bons disques. Qui vont porter sur les débats. Les donc, pitons, Ah, mais c'est un peu la même chose, les débats et les pitons. Ouais. Justement, à ce sujet-là, il y a Annie sur le Minitel au sujet du débat qui dit « Le plus gros piston de la radio, c'est quand même notre GG national. Tu ne serais rien contre les poèmes de GG. Nous, on manque à tous. On s'en fout. Ouais, » bah, pourquoi? Non, moi, je m'en fous. Enfin, elle dit quand même que t'es le plus gros piston qu'on peut rêver, quoi. Non, mais si y en a qui veulent des poèmes, eh ben, on verra ça avec Max. On essaiera. Ce qu'elle veut dire aussi, c'est qu'elle dit que toi, t'as été pistonné par Max, vraiment, t'aurais jamais fait de la radio. Bah, justement. Ouais, sur IRC, ils disent que t'as fait un gros coup de piston dans le cul, ils disent. Bon, mais ça. En même temps, mais. Ça, ça va être la question qu'on va poser. Donc, c'est la question piège. Ça va être la question qu'on posera en 6 si on a le temps, si ça se passe bien. Donc, alors, pour ça, on va accueillir Caisse de Prout, 22 ans de Paris, 101.9. Bonsoir à toi. Bonjour, GG. Susboul, 24 ans, Tours, 102.8. Bonsoir. Le compte de Monte Cristo, 23 ans, Montpellier, 103.7, bonsoir à toi. Oui, tout à fait, le compte de Monte Cristo. Et Gros Barbu, 21 ans, Arras, 96.9. Carbu, Gérard. Bonsoir, c'est Gros Carbu. Ouais, excuse-moi, donc 96.9. Ok. Alors, la première question, auriez-vous été pistonné par un membre de votre famille? Pardon, je répète. Non, je répète. Moi, l'inceste, j'y non. Bon, alors, Manu, déjà, pour commencer, tu éteins ton micro et tu t'écrases. Okay. Tu vas faire comme Fuldar, maintenant. Tu es au standard, maintenant, tu prends les gens et vous virez les gens quand je vous le dis. Alors, je répète la question parce que j'ai bafouillé. Ouais. Auriez-vous été pistonné par un membre de votre famille? Et on va demander ça à Gros Carbu. Oui, alors moi, ça m'est arrivé. Mm-hmm. Ça m'est arrivé une fois, effectivement. Je tiens pas trop en parler sur cette antenne. Non, mais de manière que non, mais on te demande, c'est pas même si tu, je te demande si est-ce que t'aurais été pistonné par un membre de ta famille, donc tu t'as pas besoin de préciser par qui. D'accord. Exactement. D'accord. Enfin, c'est simplement tu réponds si oui ou non, c'est tout. Et puis tu essayes de me préciser la question. Alors, c'est quoi? Disons ta réponse, excuse-moi. Oui, la réponse, parce que la question, c'est toi qui la poses. Ah ouais? Oui, pardon, c'est pas grave. Enfin, oui, donc j'ai été pistonné une fois par un membre donc de ma famille. Ouais. Enfin, ma famille proche. Ah, Pierre, ce mouche. Il y a un asticot. Tu m'écoutes? Du verre. Ouais, je t'écoute, gros carbu. Et donc, ça a été très agréable. Ok. Comte de Monte Cristo. Cristo, ouais. Bah, écoute, moi, j'adore me faire pistonner par les membres. De ta famille. Ouais, les membres de ma famille, bah, franchement, j'aime déjà moins. Ouais, normal. Parce qu'il y a une sorte d'éthique dans ce monde qui veut que, moralement, c'est pas. Moralement, ça se fait pas, quoi. Je veux dire, il y a une déontologie à avoir, ça se fait pas. Non, mais tu peux préciser? Bah, je trouve que c'est quand même profiter d'une certaine manière. Je trouve que profiter dans ce sens-là, ça fait mal, donc non. Bon, non, mais il n'y a pas besoin de profiter de se faire pistonner par quelqu'un de sa famille. Parce que pourquoi tu dis que ça fait mal. Parce que après, ça fait des. Comment ils appellent ça? Des trucs congénitales. Des enflures? Comment ça s'appelle? Ouais, voilà. Je crois que c'est ça. Ouais. Non, mais je vois pas du tout le rapport avec ta question. Hein. Je suis comme Gérard, je vois pas vraiment le rapport de ta question par rapport à la réponse. Je vois pas du tout le rapport. Ta réponse. Je t'ai dit pas la famille. Moralement, pas la famille, c'est tout. Ah bon, d'accord. Donc, pour toi, c'est non. Ça se fait pas, ouais. Je vois pas pourquoi il y aurait certains qui auraient des avantages de ce côté-là ou de l'autre. Et pourquoi il y en aurait qui en auraient pas? Non, mais de toute manière, faut se dire une chose, que si tu es pistonné par un membre de ta famille, de toute manière, automatiquement, tu as des avantages que d'autres n'auront pas. C'est sûr. Hein. Ouais, mais si je me fais pistonner par un membre qui n'est pas de ma famille, ça donne le même résultat, c'est pareil. Non, mais ça... Moralement, c'est correct. Non, parce que de toute manière, ça revient à ta question. Donc, si tu te fais pistonner par un autre membre, une autre personne hors que ta famille, donc tu seras aussi mal vu que si c'était par ta famille. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est mal vu, parce que les gens, ils ont des préjugés. Mais à l'époque où on est, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça soit mal vu. Oh non, mais il n'y a pas besoin de préciser, d'avoir des préjugés parce que tu te fais pistonner par quelqu'un. Bah, enfin, non. Il y a de nos jours des gens qui trouvent que se faire pistonner, c'est pas bien, quoi. Bon, enfin, bref, on va pas s'éterniser sur la précision de ta question, parce que je pense que sur ta réponse, parce que. On t'a compris. Ouais. Moi, je suis pas vraiment d'accord, mais bon. Parce que lui, il aime se faire pistonner, c'est pour ça, toi, t'aimes te faire pistonner, non? Mais non, mais la question, de toute manière, fallait, si t'as bien écouté la question. Elle était claire, la question, pour toi. Elle est claire, pourtant. Gros carbu, là, elle l'a bien précisé. Non, mais pourquoi? Moi, je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu aimes te faire pistonner, nous? Mais si par exemple, attendez, je vais répondre après. Cisboule. Ouais, Gérard, moi je me suis fait un jour pistonner par un cousin éloigné. Mmh. Il m'a en fait permis de m'introduire dans le bureau, de me faire introduire dans le bureau de ton patron pour justement avoir des suites après, quoi. Et ça a été vachement positif, hein. Mmh. D'accord. On n'a pas parlé dans la famille, enfin tu vois, c'est resté top secret. Non, secret. Non, c'est resté secret. Ouais, d'accord. Je vois à peu près. Non, ça va, Terminator. Caisse de croûte. Ouais, ben moi j'étais pistonnée par mon grand frère. Tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'on t'entend vachement mal. J'étais pistonnée par mon grand frère. Parce que tu bosses dans sa boîte. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, mais voilà. Attends, Pulda. Ouais. Pour l'instant, c'est pas toi qui demande aux gens, c'est moi, d'accord? Non, mais il avait raison. Ouais. Et donc, du coup, mon père est pas au courant. Parce qu'il voulait que je me débrouille toute seule et sans mon physique, quoi. Tu sais qu'il y a de la musique derrière? Ah, c'est pas moi. Hein. C'est bizarre parce que je viens d'entendre les démons de minuit. Ah, c'est quand même bizarre. Donc tu disais que c'était pas tellement bien vu. Bah oui, parce que donc on n'a pas dit à mon père parce qu'il n'aurait pas apprécié. Mmh. Et que donc du coup on a gardé ça secret pour tous les deux, quoi. Mmh. Mais il y a que ma petite sœur qui est au courant parce qu'elle aussi elle a été pistonnée. Mais bon, mon frère voudrait qu'on dise, quoi. Bah, ça dépend après de si c'est un gros piston ou un petit piston, quoi. C'est qui rajoute là? Les gros carbus. Mmh. Donc alors toi t'es pas d'accord avec ce que disait Monte Cristo là? Bah non, pas du tout. Non, c'est pas Monte Cristo, hein, c'est Caisse de Protection. Non, juste avant qu'on parle là. Mmh. Alors? Non, mais je suis pas du tout d'accord parce que je pense qu'il n'y a aucune gêne à se faire pistonner, même si ça doit être un gros piston par un membre de sa famille. Mais tu bosses dans quelle boîte? La question était très claire, hein, Gérard. C'était non, pas... mais attends, tu bosses dans quelle boîte exactement? Pas de marque. C'est à moi? Pas de marque. Ouais. Ouais. Non, mais sans... dans quelle boîte? Non, mais sans citer de marque, tu travailles... Sans citer de marque, alors, je sais pas, dans les télécommunications. Ah, d'accord. Et donc, t'es rentré là-dedans par piston, en fin de compte. Bah, quand je suis rentré à France Télécom, c'était... Pardon. Ce qui est con, lui. Pardon. Bon, il dit pas de marque, il dit de France Télécom. Ouais. C'est nul, ça. Pas là non plus. C'est pas fait exprès. Mais enfin, c'est pas vraiment ça. Donc, je suis rentré par un gros piston. Mm-hmm. Et j'ai pas du tout eu de honte, de préjugés, ni de barrières vis-à-vis de tout ça, quoi. Mm-hmm. T'arrives à t'asseoir après. Pardon? Mais non. T'arrives à t'asseoir après. Ah ouais. Mais tu sais qui parle là, la même chose. C'est une boule. Hein. Mm-hmm. C'était assez digne quand même. Non, mais parce que toi, avec un piston, t'as pas réussi à t'asseoir, quoi, d'après ce que je vois. J'ai mis 3 jours en fait à hésiter parce que je savais pas trop, tu vois, ce que les gens allaient en penser, tout ça. Et puis donc, j'hésitais beaucoup, ouais. Gérard, il y a une question sur Minitel de Dr Alma qui demande si toi tu préfères te faire une bonne pisse ou un bon ton. Alors lui, tu vois, il va se faire niquer sa race en beauté parce que je lui répondrai pas. Il va se faire niquer ta race. Voilà, en beauté, sa mère. Il va sur une autre radio dire des conneries comme ça. S'il vous plaît. Les micros là. Gérard. Oui. Oui, par rapport à ce que tu voulais répondre tout à l'heure, t'as dit que tu répondrais plus tard, finalement t'avais pas répondu, qu'est-ce que t'en penses alors tout non, ça mais justement, parce... Non mais attends, parce que justement Rigaud il voulait me poser une question, ah, donc oui, non. Donc moi c'est vrai qu'en fin de compte se faire pistonner par un membre de sa famille, sur ce que vous m'avez dit, il y en a qui sont d'accord, il y en a d'autres qui sont pas d'accord. De toute manière, je vois pas le rapport de dire oui ou non, parce que en fin de compte, T'es pistonné par quelqu'un de ta famille, comme toi, gros carbu, qui a été pistonné pour rentrer dans la société où t'es. France Télécom. Donc, faut bien dire. France Télécom. Fuldar, encore une fois, je te vire. Excusez-moi. Vous ne parlez pas de Marc. Non, vas-y, continue. Donc, c'est pas parce que tu te fais pistonner par quelqu'un de ta famille que tu seras bien vu par les collègues. Ça, c'est sûr. Okay. Ça, c'est vrai que tu. Au contraire, tu feras mal voir. Ça dépend si personne le sait. Ouais. Si personne le sait. Non, mais attends. Parce que, de toute manière, tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir parce que. Automatiquement, il va t'attendre à la fin de sa journée. Vous allez rentrer ensemble. Bien sûr. Ah. Oui, donc, automatiquement... Il tape tous les coms qui bossent avec lui aussi. Ouais, non, mais carbu, non, mais... Que t'es pédé, non, mais faut bien préciser... Surtout les petits nains aux grandes oreilles. Gros carbu, tu me laisses finir. Oui. Donc, c'est vrai qu'il faut bien se dire une chose. Que lorsque tu rentres avec quelqu'un qui t'a pistonné, donc automatiquement, il va t'attendre. Pour te repistonner. Oh, ta gueule, toi. Et hop, la double. Moi, je vais te dire que même les petits pistons, c'est très agréable quand même. Hein. D'accord. Ouais, on parle gros, c'est mieux. Hein. Bon, si je peux continuer de répondre à la question. Oui, si tu veux. Donc, alors, pour continuer, pour en finir, parce qu'après, on va passer à la deuxième. Donc, pour répondre à Gros Carbure et puis à vous, là, comme il y en a la moitié qui n'ont pas compris la question, apparemment, ils ont l'air de s'en foutre de ce que je dis. Non, je pense pas. Ouais, donc, alors, c'est vrai que après, tu te fais accompagner par le membre de ta famille qui t'a pistonné, t'es mal vu par ses collègues et automatiquement, ils savent très bien que t'es rentré par piston. Par contre, le jour où tu fais une grosse connerie, ça retombera sur la personne de ta famille. Je suis bien clair avec toi, Carbu. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, il vaut mieux être pistonné que... Mais on est bien d'accord, Gérard, donc dans ce cas-là, qu'il n'y a pas de honte ni de gêne à avoir par rapport à tout ça. Bah oui, bah justement, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que par rapport aux collègues de boulot, ça, c'est sûr que ça va être dur. Je peux te poser une petite question, peut-être un petit peu indiscrète, Gérard. Bah, dis. Oui, est-ce que toi, tu t'es fait pistonner pour rentrer là où t'es? Ben justement, ça va être la question 6. Alors, moi je peux pour en finir avec l'histoire de la famille, là, parce que moi mon ex, elle s'est fait pistonner par son père pour rentrer comme polisseuse dans une grosse société de polisseuse. C'est quoi? Polisseuse, c'est celle qui pour polir les bagues. Oh, merci. Non, c'est pas dans la police, c'est polisseuse. Polisseuse. Polissonne. Donc, elle s'est fait pistonner par son père. Et je vais te dire une chose, que par moment donné, dans son entourage, ça jasait. Hein. Ça a été grave. Hein. Pourquoi elle s'est fait pistonner par son père? Ben oui, comme son père, c'était celui qui fabriquait les bijoux, automatiquement, ils lui ont demandé s'il connaissait quelqu'un pour remplacer une autre personne qui était justement sur les débats sur les femmes enceintes. Mm-hmm. Et en fin de compte, l'autre a dit oui, qu'il connaissait quelqu'un. Il a fait rentrer sa fille. Et automatiquement, ça s'est fait mal voir par les entourages et même par la direction. Par un moment donné, c'était très limite. Excuse-moi Gérard, il y a Danny Bach sur le Minitel qui dit « Gérard, je voudrais me faire pistonner chez Peugeot, combien ça va me coûter ?» Parce que est-ce qu'il faut payer pour se faire pistonner? Ouais. Et donc, il voudrait savoir combien ça va lui coûter en euros et si c'est en diesel. Bon, alors là, je vais te dire une chose. Déjà, pour commencer, on va pas s'amuser à parler des bon, histoires. Sans parler de la marque. Est-ce qu'il faut payer pour se faire pistonner? Ça peut le faire. Non. Bah, attends, pourquoi? Bah, pourquoi pas, on peut demander un cachet. Hein, non. Il y a un mec qui dit « Tiens, moi, je vais te faire rentrer chez un n'importe quoi, si tu me donnes de l'argent. » T'acceptes ou pas? De manière, faut se dire une chose, que ça c'est un truc, la question elle est bien, il a eu du mal à la tourner, mais en fin de compte, un conseil que je peux donner à Dany, n'essaye pas d'insister si c'est pour que tu sois que tu payes parce que il t'a fait rentrer le mec, c'est pas la peine, tu laisses tomber, t'essayes de trouver un truc par toi-même parce que ça sert à rien de vouloir payer quelqu'un. Hein. D'accord. Bon, donc voilà. Je ne dis pas parce que je peux pas, mais. Gérard, sur RC, attendez, s'il vous plaît, merci. Il y a Fesse de Babouin qui aimerait bien que tu le pistonnes à Fun Radio. Non, lui, il va se faire foutre. Quand il arrêtera ses conneries, il me fera signe. C'est un petit sondage, Gérard. Ouais, un petit sondage, là. Travaillez-vous grâce à un piston? Alors, donc, c'est 56% des gens répondent que non, sinon ils se font virer, donc je vois pas du tout. Bah, si, comme tu dis. Bah, oui. Ouais, mais ça, si, jamais le, si jamais ça s'apprend, d'accord. Ils sont virés, tu vois. 41% des personnes sont pistonnées de métier. Bon, ça c'est justement, ouais, ben voilà. Alors, tu vois, Bah oui, mais ça se justement, ouais, ça se rejoint. Ouais. Ouais, mais ça se rejoint sur la troisième question. Bah, c'est pas grave, on expliquera justement tout à l'heure ce que c'est le piston de métier. Donc 29% ne veulent pas être beaux comme moi, ça je vois pas du tout, et 8% préfèrent l'amour en mer. Oh. C'est quoi cette histoire de métier? Bah, je sais pas. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est pas de la faute à Rigo, parce qu'on passe... Non, c'est un bon con, Rigo, c'est un bon con, quand même. Que Rigo, il est cool. Ouais, y a, heureusement que... Il s'est bien le pari, quand même, il s'est bien le pari. Tiens, je sais pas quoi faire, tu vas me chercher un mot là, maintenant. Que tu peux donner la. Ouais, là, mais je sais pas lire, genre. Ouais, tu sais pas lire. Mettre le capello, va chercher un mot là, hop là. Non, je vais le faire, donne, genre. Non, non. Alors, quelle est la différence entre un piston rotatif et d'un moteur et d'un piston normal? Ouais. Bonne chance. C'est la question, ça. Bon. Alors, deux secondes, Gérard, avant, il y a une question Minitel qui est très importante. C'est Camille du département 69 qui dit: GG, est-ce que c'est vrai que t'as gardé le piston de la Mercedes qui était sous le pont de l'Alma? Donc, Pildar, encore une connerie comme ça et t'es viré. Ah, moi j'avais la même avec le volant de d'Ayrton Senna. Non, bah, ça c'est. Ça n'a rien à voir non plus. Gros barbu. Gros carbu. Ouais, gros carbu, pardon. Alors, mais il est barbu aussi. Ouais. Pour répondre à la question entre le piston rotatif et le piston normal. D'un moteur et d'un piston normal. Hein. Tout à fait, oui. Je pense que la différence flagrante qu'il y a, c'est qu'entre un piston normal et un piston rotatif, le piston normal reste toujours en translation droite, rectiligne, ainsi que le piston rotatif, lui, varie par rapport à son axe de symétrie qui se trouve au centre de ce piston et qui permet donc une rotation sur lui-même. Ah, d'accord. Écoute ce qu'il dit, c'est débile ce qu'il dit en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire, gros barbu? Oh non, il répète pas. Hein. Ah non, Lina, c'est une question dégagée. Ah, elle est pourrie, cette question. Non, passe à la troisième. J'ai pas écouté trop. Pourquoi tu m'as pas écouté? Non, parce que je regardais. Moi je te parle, Gérard. Non, mais c'est pas grave. Gérard, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner juste la définition de ton truc et on passe à la prochaine. Quoi. Non, mais attends, toi tu es au standard, tu t'écrases, t'éteins ton micro. Oh, mais ça me fait chier là. Eh ben ça fait chier, tu rentres chez toi, tu te casses. Oh là là. Le comte de Monte Cristo. Ouais, non, c'est vrai que la question elle est quand même moyenne. Bon, alors à savoir la rotation, je sais pas, quand tu fais exploser le moteur à chocolat, toi, tu préfères ça dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Rotatif d'un moteur et... Mais dans quel sens? Pour toi, à ton usine à Suchard, ça, tu préfères qu'elle compte comment? Alors, c'est une personne qui conduit une... Ouais. Alors, la définition, c'est une personne qui conduit une rotative. Voilà. Bah ouais, normal. Donc, c'est tout ce que je peux donner comme renseignement sur ça. Ouais, ça ne nous aide pas des masses, hein. C'est vrai qu'on s'amuse. Bah ouais. Je la trouve un peu compliquée, ta question. Ouais, bah ouais. Bon, bah c'est pas grave, on s'éternise pas là-dessus. Ah ouais. Vous êtes sauvés, les filles. Donc, la troisième question. Le problème, c'est que t'as tendance à faire des débats de plus en plus difficiles pour nous, quoi. Les questions, c'est pour les initiés, quoi. Ouais. Non, mais il y a bientôt l'académie. C'est un peu mature sur les bords, je trouve, quand même. Qui c'est qui dit ça? C'est Caisse de Prout, hein. Ben, caisse de prout, tu retournes voir Manu au standard, comme ouais. comme ça je serai pas trop mature. Au revoir à toi et bonne nuit. Bonne nuit. Non, mais il faut savoir que Gérard n'accepte aucune critique parce que Gérard, c'est lui le meilleur. C'est pas mature, c'est tout. Gérard, il a 20 millions d'auditeurs, il peut pas se permettre ça. Ouais. Ouais. Alors, donc, question 3. Question 3. Être pistonné est-il peut-il être un métier? Non, être pistonneur. Ah ouais, être pistonneur peut-il être un métier? Donc on va demander à Susboule. Ben, ça dépend dans sous quel sens tu le prends, mais je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour envoyer des personnes vers d'autres personnes justement qui sont en demande. Par exemple, il y a des personnes qui aimeraient offrir leur service, tu vois. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui aimeraient les recevoir, les payer. Oui. Et donc, c'est le marché, quoi. Tu vois, c'est donnant, et il y a des personnes qui sont habilitées à envoyer des personnes vers d'autres personnes. Bon, le comte de Monte Cristo. Ouais, écoute, les pistonneurs, moi, je pense que tu as déjà entendu parler des affaires, des dessous de table. C'est dans le truc. Je voudrais que tu m'expliques, bordel de Dieu, qu'est-ce que tu fous, toi, avec tes mains sous la table, gros cochon. Alors, je veux dire une chose, le comte de Monte Cristo. Oui, dis-moi tout. Tu vois, ta réponse à ma question. T'as l'air de t'en foutre. Est-ce que je suis avec mes mains sous la table, ça te regarde pas, tu retournes voir Manu au standard et je te dis bonne nuit, au revoir. Bonne nuit. Et voilà. Alors, ça, c'est normal. Et ça, c'est normal. Et gros carbu, ouais. Bah écoute, là, il a foutu la merde, l'autre. Là, j'ai oublié ce que je... Attends, c'était la question, c'est... Être un pistonnaire, peut-il être un métier? Oui, bah moi, je pense que tout à fait, parce que tu peux effectivement commencer en pistonnant quelqu'un, et puis t'aimes ça de plus en plus, et donc t'en fais un deuxième, et puis t'apprécies encore plus, donc tu dis que tu peux rendre service, donc que ça fait du bien, que ça fait du plaisir, donc eh ben écoute, tu pistonnes et t'arrêtes plus de pistonner après, quoi. Donc si on pistonne et donc on pistonne de plus en plus de monde, donc on peut, ça devient un métier, donc on est payé pour ça. Ouais, mais ça dépend de la jeune. Ça dépend où tu travailles, en plus, voilà. Dans quel secteur tu travailles. Ça dépend si t'as quelqu'un au-dessus de toi qui va s'occuper de tes affaires ou si t'es indépendant. Mais justement, enfin, pourquoi peut... Mais pourquoi? Non, mais ça peut être un secteur privé comme un secteur public. Public. Qui c'est qui répond? C'est Suze Boule. Ouais, c'est Suze Boule. Ouais, je pense. Gérard, ouais, mais je pense. Je pense aussi. Qui c'est qui a répondu d'autre derrière? Gérard. Oui, on peut accueillir Magnum à la place de caisse de Prout. Ouais, alors Magnum. Voilà. Oui, bonsoir Gérard, tranquille. Tu t'appelles d'où? De Miami. Hein? Miami. Non, donne ta. Écoute sur internet là. Non, c'est vrai, je l'ai sélectionné sur internet. C'est sur internet l'émission Gérard. Donc, ok. La fréquence de là-bas? Ben, c'est internet, Real Audio. Bon, là, il n'y a pas de fréquence. Ah, si, c'est vrai, il n'y a pas de fréquence. Donc, alors pourquoi Magnum? Ouais, bah moi, vu que je suis très loin, j'ai pas entendu la question, Gérard. Alors donc, la question, c'est, être pistonneur, peut-il être un métier? Non, c'est impossible, puisque, bon, pour pistonner quelqu'un, il faut déjà être son propre patron, ou alors être bien placé. Pas forcément. Oh! Arrête cette musique là! C'est lui! C'est moi! Oh non, mais Magnum! Ouais, mais je suis obligé quoi, c'est bon! Non, t'entends ta musique s'il te plaît! Ok, y'a pas de problème! Merci! Bon, donc, ouais, mais non, ça peut pas être un métier puisque tu payes pas les gens, enfin, les gens vont pas te payer pour que tu les pistonnes quoi! Je suis pas d'accord! Si! Non! Attendez, y'a une question! Justement, sur le Minitel, en fait, il y a Tom, 22 ans, du département 86, qui demande, peut-on se faire pistonner par un garagiste? Si oui, faut-il demander un devis? Est-ce qu'il faut demander un devis avant de se faire pistonner? Oh, Manu, s'il te plaît, t'essayes de me calmer. Hein, Gérard? Faut-il demander un devis si, par exemple, on s'adresse à un garagiste pour se faire pistonner? Non, pas spécialement. Non. Tu peux expliquer un peu, parce que moi, j'arrive pas à comprendre la question. Non, moi non plus. Ah, merde. Donc, Tom, si tu peux nous expliquer ta question. Ouais, parce qu'on comprend pas. Un sondage, alors. Pistonner est-il un luxe? Alors, 52% des personnes répondent que... Ouais, bon, c'est mieux. Mais je préciserai pas la marque, comme ça, ça ira plus vite. 3% des gens interrogés portent plainte contre... mon indiscrétion, donc ça, je vois pas ce que ça peut... C'est chaud. 27% ne veulent pas répondre parce qu'ils sont d'accord. Ils sont quoi? Je dirais pas, tu vois. Ah. Et 11% s'en branlent parce qu'ils regardent Technomax. Ah, ouais, ça va faire vous voir un plaisir à Max, ceux qui se sont amusés à sortir ça, les 11% qui se disent qu'ils s'en branlent des questions. Ceux qui s'en branlent des questions parce qu'ils regardent Technomax, alors là, je vais vous dire une chose, les mecs, vous allez morfler. Tiens, j'ai Bobo le singe sur Minitel qui demande si on peut se faire pistonner à la loco par les videurs. De toute manière, si tu veux être videur, tu peux te faire pistonner par les mecs de la loco, mais De toute façon, à mon avis, ouais. Et toi, Gérard, tu peux pistonner pour la loco? Non, pas du tout. Il se fait pistonner à la loco. Gérard, excuse-moi, on va accueillir Pistonlet. À la place de je sais plus qui. À la place du comte de Monte Cristo, ouais. Alors, Pistonlet. Bonsoir. Je sais même plus qui est là-dedans. Fréquence. Salut. 96,4. Bizarre ça. 96,4, t'appelles d'où? Pourquoi virgule? De Nancy. Manu? Tu peux me contrôler la fréquence? Non, tu peux me contrôler la pression. Ouais, tu contrôles. Alors, t'as 9,4 à l'avant et 9,2 à l'arrière. Bon, bah c'est bon, t'as roule, tu roules. Je te demande. Ah, t'as les pneumatiques en pleine forme. T'es un killer. Putain, mais t'es vraiment starvé, toi. Hein. Pourquoi? Mais oui, c'est bon, non. Ouais, en plus, c'est roule. C'est bon, ouais, c'est parfait. C'est bien 96,4? C'est exact. Okay. Donc, alors pour toi, la question, tu veux que je la répète parce que je pense qu'on ne te l'a pas dit à longtemps. Non, est-ce que ça peut être un métier d'être pistonneur? Ah oui. Voilà. Oui, je pense que dans certains pays, il y a certaines dérogations qui sont accordées à certains partisans de la pistonnerie. et éventuellement en France, c'est sur le coup de se faire. Tu peux préciser parce que. Ouais, précise. Parce que là, il y a un truc que j'ai pas compris là, c'est que t'as dit que. Donc en France, on pouvait se faire pistonner par quoi? Par des pistons. Oh, oh, c'est moi ton piston. C'est bon. Eh ben, c'était elle? Non, c'était, je sais pas, ça sonnait ici, ça, c'était ça. Bon, Gérard. C'est grave. En attendant, il y a Perfora sur l'IRC, il demande si c'est vrai que dans le milieu du hic, des films porno, il faut coucher pour réussir. Bon, bah, ça, c'est se faire pistonner, en fin de compte. Je crois qu'en plus, Perfora, lui, est bien mêlé à ce milieu-là, en plus. Ben, il n'y a pas de balance ici. Hein. Non, on balance pas les trucs comme ça, donc on balance pas les pistonnés. Hein. Donc, c'est vrai que. Faut pistonner par passe-partout et pourquoi? Non, ben, le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Ouais. Fildar, tu vas loin, Gérard. C'est vrai, pour être pistonné, faut ça? Non, arrête. Là, ça Fildar. Oh là là. Fildar, je sens que tu vas virer. Ouais. Au standard. Tu bouges. C'est qui a un téléphone pourri? Manu, tu éteins ton micro, s'il te plaît. Ah, mais je peux pas répondre à Fildar. Bon, c'est mignon, hein. C'est le bordel, on avance plus dans le débat, là, Gérard. Ouais. Alors, quatrième, parce que on a toujours pas compris ce que tu voulais nous dire, hein, pistonné. Je répète. Ouais, parce qu'on n'a pas. On n'a toujours pas compris. Je répète, dans certains pays, certaines dérogations sont accordées à certains pistonneurs. Alors, tu peux préciser les histoires de dérogations, parce que là, c'est l'intérêt. Pour les pistonneurs, s'il te plaît. Non, mais attends, tu peux préciser. Bon, je précise. Oui, il existe des pistonneurs dans certains pays qui sont payés. Encore. Bouffe-moi la gueule. Fais-le, t'arrête! C'est pas moi, arrête un peu, je suis pas en train de jouer là. Mais moi ton gros piston, Gérard. Oh là là là. Manu, déconne. Manu, ça y est. Il y en a une qui est tout excité, hein. Manu. Ouais, quand je les coupe, c'est. Je sais pas. Gérard, s'il te plaît. C'est moi le cul, Gérard. On y va? Je vais mettre des bips parce que ma mère elle est en train d'écouter, elle est à côté et quand elle entend des trucs de sexe comme ça, elle va me frapper. Vas-y, cochonne, vas-y, d'accord. Allez, Gérard, on y va. Calmez-vous un peu là. C'est pas marrant, hein. Ok? Ouais. Quatrième question, les pistons rapportent-ils plus d'argent quand on ne dit rien? Quoi? Alors, on revient sur l'argent, tu vois. Le piston rapporte-t-il plus d'argent quand on ne dit rien? C'est-à-dire? Oh. Ah, y'en a où, là? Magnum. Ouais, je sais rien. Je pense que le piston, quand on dit rien, bah ça rapporte rien. Bah voilà. Bah ouais, c'est clair. Internet apprécié. Comment? Manu, s'il te plaît, ton micro, tu m'énerves. Non. Bon, je sens que vous allez réfléchir et on va s'envoyer un disque. Non, il y en a trop, là. Ah ouais, non. Si, parce qu'il reste encore un quart d'heure. Donc, le disque. Non, mais Gérard, autant finir cette question-là. Ouais, Gérard, on entend rien, là. Qui a un truc qui joue, là? C'est dégueulasse, on entend rien, c'est pour... On entend rien, ça bloque tout, là. Ouais. Donc, on coupe. Bon, alors, celui qui a de la musique derrière, arrête. Je l'ai viré. Alors, Suisse-Boule. Ouais, Gérard. J'ai pas vraiment compris le sens de ta question, je suis désolée. Moi non plus. Tu pouvais l'expliquer. Non, c'est pas la répéter, c'est l'expliquer. J'ai pas compris le sens de la question, le sens profond. Non, mais pour un sens, celui qui s'amuse à passer du magnum, arrête, et toi, t'arrêtes de danser, t'essayes d'un poil de savoir qui s'est fait kiffer des conneries. Ok. Danse avec lui, Gérard. Ok. Bon. Parce que c'est vrai que quand on parle pas, je veux dire, c'est mieux pour celui qui pistonne. Mais il y a des gens qui pistonnent et qui aiment qu'on parle aussi, donc je veux dire, ta question est tout à fait aléatoire, là, comme ta réponse. Ouais. Je pense. Tu vois aussi, donc je veux dire, c'est vague. Ça reste vague. Gros carbu. Ben moi, je pense que de rien dire, ça peut vouloir dire beaucoup, et que de dire beaucoup, ça ne peut très bien ne pas vouloir dire grand-chose. Ouais. Non, mais est-ce que ça rapporte de l'argent quand on dit rien? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a Pildar tout à l'heure, tu vas se prendre un briquet dans sa gueule encore. Gérard, tu peux prendre un R2, je te laisse. Je comprends pas, Gérard, tu me coupes la parole alors. Allô? Allô? Oui. Oui? Bon, je voulais dire qu'on accueillait... Veuillez patienter, votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants. Alors, vous allez répondre à ce que... Vous allez... Non, attends, je voulais accueillir quelqu'un avant. Je voulais accueillir Victouz à la place de Magnum. Salut Victouz. Oui, bonsoir, c'est Victouz. Salut, j'appelle 12. Bonsoir, j'appelle de Orléans. fréquence 97.7. Je vous préviens, on n'est pas dans les nuits comme hier, hein. On est dans les débats. Wonder Victus. Wonder Victus. Ouais, donc Wonder Bra. Mon God magique, ça avance pas là, hein. Bon, alors la question, elle est faite. Allez, hop. On va les mettre. Alors, la cinquième, le piston est peut-être un don ou une passion, et on va s'écouter GG, le dresseur d'asticots, avec GD. J'ai déterminé dans non, la retenue. J'ai déterminé. Je détermine. Attends, toi, tu fermes ta gueule, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, Michon. Je suis pas tombé parce que tout à l'heure, tu vas te prendre encore le briquet dans ta gueule. Allez, on y va. Non, c'est GG le dresseur. GG le dresseur d'asticots avec GD termine dans la retenue. On se retrouve tout de suite après au 0803 0805000 pour la suite et fin du débat sur les pistons. Et voilà, donc c'était GG le dresseur d'asticots avec GD termine dans la rotule, et on se retrouve pour la suite et fin du deuxième débat qui part sur les pistons. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 0805000. Ils peuvent arrêter là. Alors et toujours Rigo sur l'internet, donc www.fr.radio. Ouais. Rigo et Carton. Et toujours le Minitel 3615 code Fun Radio rubrique direct. Et... Rigo, il a des couilles. Ouais. Oh, s'il vous plaît, vous vous calmez là parce que sinon je vous herbe. Allez, on continue, on n'a plus que 10 minutes. Salut Rigo. On a plus que 10 minutes. Alors. Salut, ça va? Tranquille. Ouais. Bon, ça y est, c'est cool. Comment? Bon anniversaire. Ah, merci, Jean. On aurait bien aimé Gérard, chante Happy Birthday to you pour toi. Il a bien fait, hein. Bon, allez. Allez, on y est. Bon, le piston. Bon, ça y est, le piston. Bon, Manu. Oui, tu me calmes tout ça parce que c'est le bordel. Voilà. Merci à tous. Happy Birthday to you. Oh, c'est pas la son. C'est bon. C'est toi qui fais des larcènes avec ton casque. Allez, ma puce, on y va. Je suis pas ta puce, toi, fais gaffe. Je t'ai déjà prévenu tout à l'heure. Oh, choupinette, fais pas la gueule. Donc, alors, le piston peut-être un don ou une passion, et on demande ça, ben tiens, un piston-lait. Elle est plus là? Si, si. Je suis là. Donc, le piston, je pense que c'est un don. Est-ce que ça peut être une passion en même temps? Et aussi une passion, puisque faut être passionné d'avoir des dons. D'accord. Gros carbu. Bah écoute, moi je pense que un piston c'est un don et que de toute façon le don rentre dans la passion puisque c'est un don. D'accord. Qui c'est Suzboul? Comment moins bien les questions. Moi je trouve que c'est. Attends, qui vient de répondre avant toi, Suzboul? C'est l'autre. Vous avez pistonné? Ouais. Non, c'est Polo. Non, y a pas de Polo. C'est Polo avec une voix de Brigitte, ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est clair. Attends, elle se fout de ta gueule là, elle se moque de toi, Gérard. Manu, s'il te plaît, tu me. Bah, je veux bien virer quelqu'un, mais qui? Pour ne pas faire. Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, Facebook, tu réponds. Bah, je te réponds, Gérard. Moi, pour moi, c'est ni une passion, ni un don, c'est plus un sacerdoce, parce que c'est pas quelque chose que tu fais. Un quoi? Un sacerdoce. C'est quoi ça? Un sac d'os, toi-même? C'est pas un sac d'os, c'est une espèce de gros truc avec des traits, c'est pas un sac d'os. Bon, alors toi, tu dégages. Gros carbu, au revoir, la grosse. Salut. Oui. Bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un tube là. Ouais. Ta fréquence. Dans un piston. C'est pas de Paris. 101.9. Ouais. Ok. Bon, alors donc la question, tu l'as pas entendue, je pense. Bah non, personne me l'a dit ça. Oh la vache. Oh là, le piston peut être. Il abuse, hein. C'est Manu. Le piston peut-être un don ou une passion, et on accouche parce qu'il me reste encore 7 minutes et je voudrais qu'on active un peu sur cette question là. Très bien, oui. Bah, au début, moi, c'était un don parce que bon, j'en ai profité par la famille. Et c'était plutôt un don, quoi. Parce que c'est plutôt physique, ça m'a bien servi. C'est héréditaire? Bah, ouais, hein. Mm. Je tiens de mon père. Mm-hmm. Donc, ça m'a bien servi. Et puis, la passion, bah, c'est devenu une passion après parce que j'ai continué la nuit, j'ai continué. Et c'est vrai que c'était sympa, quoi. Et c'est pas mal. C'est vrai que ça gagne. Grâce au piston, j'ai pu gagner pas mal de. C'est une bonne salope, quoi. Mm. Sur les polices, s'il vous plaît, parce que bon, voilà. Celui qui s'amuse à traiter les gens de gros salopes tout à l'heure, c'est un gros bon, il va dégager. Je suis désolé, je retire. Gros tout. C'est qui? Gros Carbu. C'était moi, je suis désolé. Ah bah alors, Gros Carbu, désolé, je veux plus savoir. Au revoir. Gérard. Au revoir. Et d'ailleurs, à cette occasion, on va accueillir Looping à la place. Bonsoir. Bon, excusez-moi, tranquille. Salut. Salut. Looping. Bonsoir tout le monde. Looping. Ouais, c'est moi. Looping. T'appelles d'où? De l'agence touriste. Bon, je crois que toi, tout à l'heure, t'as un vrai cave. Désolé, j'arrête de déconner. J'appelle de Paris. 101.9. Ok. Et donc, alors, sixième question. Peut-on s'en faire pistonner pour être animateur radio? Juste avant cette question, on accueille aussi Christian Splitz. À la place de? À la place de Gros Carbu. Oui, ouais. Bonsoir. Salut, Doc. Donc, c'est comment son nom? Christian Splitz. Christian. Ah. Mmh. On se connaît déjà. On se connaît. Oui, on se connaît. On s'est déjà croisé deux, trois fois. Tu as fait des examens trontologiques? Enfin, on continue le débat. Donc, peut-on se faire pistonner pour être animateur radio? Donc, on demande ça. Bah, tiens, justement, Christian, t'appelles d'où, s'il te plaît? Oui, j'appelle de Paris. 101.9. Oui. Ok, donc pour toi? Bon, cela n'est pas sale, déjà. Je pense que on peut se, effectivement, sans problème. Mmh. Ok, Lupine. C'est le test. Ouais. Ouais, j'ai l'impression, oui. Oh, ouais, donc ouais, ben bah, en fait carrément, parce que si t'en es là à la radio, Gérard, c'est que tu te fais pistonner. Donc bien sûr qu'on peut se faire pistonner pour aller à la radio. Non, c'est le Donald Duck. Ouais, comprends. Lupine. Ouais. Looping, pas Lupine. Ouais, bah. Non, mais c'est tout. Looping. Ouais, bah t'as répondu? Bah oui. Quoi, tu m'as même pas écouté? Bah si, je t'écoute. Alors vas-y, dis ce que j'ai dit. Bah, je m'en fous. Voilà, tu t'en fous. Non, mais comment tu traites tes auditeurs? Ouais, ça va, toi. Ok. Kiss ton cou. Oh, oui, c'est moi, c'est Kiss ton cou, ouais. Pour ça, pistonner à la radio, je sais pas, tu dois peut-être mieux en parler que moi, quoi. Bah non, mais seulement, si ça fait mal ou pas, si c'est pratique, je sais pas. Ouais, qui c'est qui nous reste? Six boules, elle est plus là, hein. Si, je suis toujours là. Je croyais que tu avais dit au revoir, toi. Ah non, tu m'as jamais dit au revoir, Gérard. Ah bon, bah alors, Super, alors. Donc, tu peux répondre? Bah oui, je pense que t'as pas mal dû essayer de te faire pistonner avant de rentrer, quoi. T'as galéré, tout. Jusqu'au jour où, y a quelqu'un qui a ouvert une petite porte et t'a laissé rentrer, et voilà, piston a commencé. Bah disons. Oui. Allô? Non. Bon, donc, ce qu'il faut dire, c'est vrai que je réponds à Cézboul et puis à tout le monde, parce que je pensais que tout le monde allait répondre comme ils font, mais apparemment, je pense pas. Non, mais t'écoutes même pas tes auditeurs. T'écoutes pas en plus. Ouais, donc, même pas tes auditeurs, Gérard. La question. Non, mais laissez, Gérard, c'est la réponse. La réponse à peut-on se faire pistonner pour être animateur de radio? C'est vrai que j'ai galéré pendant des. T'as enroulé ta bosse quand même. J'ai galéré quand même. Dans des cabines téléphoniques. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir Max au téléphone. Et puis depuis, maintenant je suis devenu pas animateur de radio, mais assistant d'antenne. Ça veut dire exactement. Bon, c'est vrai que maintenant je présente des débats. Donc et ça veut dire pas mal aussi. Hein. Ouais. Et sur IRC, il y a Turpi qui a dit que t'as oublié de parler quand tu t'es fait pistonner à la sortie de la DAS. Non, là, je réponds pas du tout à ça. C'est pas gentil, ça. Là, je ne réponds pas à cette question. C'est plus triste. Comment t'assures pas? Non, mais là, c'est plus cool. C'est que des conneries, Hugo. Là, c'est les questions, là, vraiment, c'est bilan. Hugo, t'es vraiment dans la forêt. Tu sais ce que tu fais, là? Je suis désolé. C'est quoi c'est qui? Je t'explique. C'est Turpi. Turpi, tu lui dis, tu essayes de la gerber comme tu sais le faire. Ok, bah je la gerbe. Alors donc, la passion est-il une maladie? Donc 61% des gens s'interrogent sur cette question. 45% après réflexion pensent que non. Et 10% des personnes restantes réfléchissent encore en buvant une bière. Ça c'est dur. Et 6% se sont endormis. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui s'endorment lors des débats. Et j'en ai eu la preuve sur le premier débat. Donc, septième et dernière. Et d'ailleurs, et pour cette dernière question, on va accueillir Charles Ingalls. À la place de? À la place de personne. Bah attends, ça me fait une, deux. Oui, ça fait cinq personnes, c'est normal. Cinq, six. Non, cinq. Six. Cinq. En direct de la prairie. Parce qu'on a Suzboule. Suzboule, Christian Spitz, Kiss ton cou, Charles Ingalls et Looping, ça fait cinq. Tout à fait. On y va. Mais Pistonlet. Il est parti, elle est partie. Ah, elle est partie, donc c'est à la place de Pistonlet. Voilà. Si tu veux. Alors c'est comment son nom? Charles Ingalls. Charlie. Salut. T'appelles d'où? J'appelle de la forêt. Ta ville? Avec la prairie à côté de Nogent. Bon, c'est 101.9. 101.9. Bah ça va, ça, on termine avec, à part 6 boules, 4 tours, on termine avec rien que des Parisiens. C'est pas grave, pose la question, mon cher. Et donc, pour terminer la dernière question qu'on va faire, doit-on être major pour faire... on va pas faire celle-là. Ah bah ça, c'est une question que Pildar il m'a donnée, on va la faire. Auriez-vous été pistonné pour aller à l'étranger ou en vacances? Donc, en vacances, on précise, pour trouver du boulot aussi. Bah oui, c'est ce que je voulais préciser, voilà. Voilà. Donc, alors, Susboul. Ouais, je me suis fait pas mal pistonner, j'étais au Maroc il y a 2 ans. Ouais. Et en fait, j'avais rien du tout en arrivant, quoi. Tu vois, les mains dans les poches. Et puis, de piston, en fait, j'ai passé super vacances, quoi. Mm-hmm. Ouais, donc, en fin de compte, si je comprends bien ta réponse... C'est que tu veux dire que t'es arrivé là-bas les mains dans les poches, et puis tout, et puis t'as connu du monde et tu t'es fait pistonner pour avoir un job. Voilà, pour avoir un appart, je me suis fait pistonner pour avoir à bouffer, tu vois, pour avoir un job, et puis... Ouais, ça y est, là, on a compris, ouais, on a compris. Des balades en bateau et tout ça, quoi. Ok, qui se ton coup? Ouais, moi je suis pistonnée pour aller en Irlande, hein. Mais par Ryanair, je me suis fait pistonner. Mm-hmm. Et c'est pas permis d'aller là-bas. Et c'est vrai que les Béotiens, là-bas, ils comprennent rien à rien, quoi. D'accord. Donc, je me suis fait pistonner. Looping. Allô? Ouais, à toi. Ouais, c'est pas trop tôt. Ouais, donc je me suis jamais fait vraiment pistonner pour partir à l'étranger. Sauf une fois pour partir à Suresnes, tirer un coup dans une cité tranquille, quoi. Okay. Ta conclusion, c'est pas la peine, on te dit au revoir. Ah, pourquoi? Au revoir. L'agence touriste, là, tu l'envoies se coucher. Il prend pas sa conclusion, il retournera voir. Si vous voulez. Non, au revoir. Christian. Oui, c'était pas très très raisonnable, puisque a dit jeune homme juste avant. Écoutez, moi j'ai toujours refusé, et pourtant j'en ai eu l'occasion avec mon travail, à une époque, de me faire pistonner. Et laisse-moi parler, jeune fille. On laisse parler les gens, s'il vous plaît, merci. Et j'ai toujours refusé parce que je trouve que c'est totalement immoral de commencer à jouer de ses relations pour pouvoir partir en vacances. Mm-hmm. À part une ou deux fois où je suis parti à Papette et 3-4 fois à New York, c'est les seules fois où... Ah ouais, voilà, quoi. D'accord. Charlie, je ne peux pas parler parce qu'il y a trop de boulot derrière. Non, mais je sais, mais je voudrais bien que ça soit géré au standard, s'il vous plaît. Merci. Sinon, quant à vous, Gérard, ça vous est déjà arrivé, vous? Je crois que vous avez entendu parler d'une histoire de Godzilla, non? Ouais. Ça, c'est, on peut considérer que c'est effectivement du piston. Non, ça a été par l'intermédiaire de la radio. Effectivement eu des relations avec les gens qui s'occupent comme les impôts des contrôles des pistons. Mm-hmm. Et effectivement, moi je sais que vous étiez dans leur dossier, quoi, comme quoi c'était pas très grave, hein, mais comme quoi vous auriez effectivement été pistonné par Max au sujet de... Enfin, cela, bien sûr, n'est pas sale, mais au sujet de Godzilla. D'accord. T'es toujours aussi long, le Charlie. Charlie, pour finir. Il est souvent, c'est l'ancien. Charlie, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Bah, écoute, moi, j'ai des souvenirs de pistonnage en Grèce monstrueux. Mm-hmm. Je suis revenu des vacances, j'avais plus une fronce. Je veux dire, le truc, c'était nickel, quoi. Et franchement, je conseille à tout le monde, quoi. Sur Pédos? Pédos, Lesbos, ouais, aussi, ouais. Mm-hmm. Ok. Donc alors pour la dernière le dernier sondage qui me reste, et puis on va faire la petite conclusion. Ouais. Est-ce que tout le monde... Attendez, s'il vous plaît, merci. Le doc, ça va, 5 minutes. Ouais. Est-ce que tout le monde peut être pistonné? Alors 71% des gens travaillent dur pour y arriver, ça c'est vrai. 48% ne dansent jamais... Quoi? Ne danse jamais qu'une nuit. Ah d'accord, parce que je me demandais ce que ça voulait dire. 22% se renseignent au 12, ouais, c'est bien. 14% sont chez la dame de Haute-Savoie, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, les sondages, j'appelais, c'est super. Super, Rigo, t'as fait du bon boulot. Ouais, c'est pas mal, parce que deux trucs avec des chanteurs, c'était bien. Ok. Alors donc, conclusion du débat, on va demander à... C'est Boule. Ouais. Donc conclusion. Bah, c'était un super débat où je pense qu'on a tout compris. Il n'y a pas du tout eu de double sens et tout ça. Non, mais il y a eu certains petits problèmes avec l'autre. Qui s'amusait à jouir comme c'est pas possible. Donc, allez. soir. Allez, 6 boules. Donc pour toi, allez, c'est fini. Je voulais juste lancer un message aux jeunes, quoi. Pistonnez-vous et puis vous prenez pas la tête, quoi. D'accord. Kiste ton cou. Oh oui. Ouais, bah moi je vais dire. Manu. Oh, allez, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce ton cou? Oui, oui. Oh oui. Encore. Alors, vas-y. Merci. Donc, qu'est-ce ton cou pour conclusion? Ouais, enfin, quoi. Je voulais dire simplement que ça peut faire mal, comme tu l'as dit, quoi. Ça peut être négatif et tout quand on se fait capter dans l'entreprise. Mais en même temps, ça peut faire du bien et que c'est extra, sauf qu'on se fait assurer, quoi. D'accord. Christian. Oui, ben. Bah, sous le nom du doc. T'as reconnu, vieux. T'as reconnu, papy. T'as reconnu, vieux. Attends, alors, qui c'est qui vient de l'insulter? Charlie, tu peux. Non, c'était Looping. Ah, je l'avais remis, mais j'aurais pas dû. Ah non, non, lui, tu lui dis au revoir, on n'insulte pas les. Donc, alors, le doc. Oui. Alors, le doc, pour toi? Oui, ben, moi, je voudrais passer un message d'espoir aux jeunes. Oh non. Oh, ça y est, je l'ai coupé. Hop là, ouais, c'est géré là. Toi, tu vas te faire engueuler, toi, je te préviens. Pourquoi? Il va venir te choper le doc. J'ai pas peur des motos et du cuir, moi. il va te faire voir comment qu'on fait. Donc, tu me le remets, s'il te plaît. Allô? Donc, Chris, le doc, ouais. Oui, je disais donc que je voulais passer un message aux jeunes. Oh. Bon, alors, Charlie, parce que je pense que Manu, tu vas te faire remarquer. Non, vas-y. Bon, alors, pour en finir... Que se passe-t-il? Non, mais c'est sur speed, rapide. Non, oui. C'est Manu qui te... Donc, je voulais juste dire qu'il ne faut pas hésiter à vous faire pistonner dans tous les sens du moment que vous sentez, cela n'est pas sale, et que vous devez absolument faire votre vie comme vous l'entendez. Ouais, ok, je te remercie, le doc. Pistonner. Ok. Donc, Charlie, pour terminer. Ouais, bah écoute, débat excellent. Hein, moi, j'ai trouvé le sujet mortel. Bon, l'animateur, je dirais, médiocre. Si t'es pas content dans ces cas-là, on n'avait pas besoin de te sélectionner. Pitoyable. Mais sinon, par contre, un petit message personnel au chef, hein, s'il veut me pistonner pour faire de la télé, de la radio, il n'y a pas de problème. Hein. Oh, bah ça, tu l'appelles. J'ai passé. Sinon, pour ton piston, mon pote, j'ai un Kist 75 Polini pour toi, mon gars. Tu vas voir, ça va tracer la route avec ça. Un Kist 75. Bon, c'est de la fonte, tu vas voir, tu risques pas de serrer, tu traces la route, tu prends ton 103 direct. C'est ça. Ok, merci, je te remercie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur la conclusion du débat? Ben, je pense que ça s'est mieux passé que le premier, je sais pas pourquoi. Bah, peut-être aussi c'est la réa, hein. Je sais pas ce qui s'est produit, mais là, d'un seul coup, ça s'est super bien passé. Donc, je sais pas ce qui s'est produit. Donc, alors que je vous annonce ce qui va se passer durant le... Attends, j'ai une question. Il y a peut-être une question internet. Conclusion, et moi, j'ai une internet. Conclusion rapidement du Minitel. En fait, c'est Belzeb Buteau qui dit, en fait, débat sans piston, ni queue, ni tête. Non, bah lui, il va se faire foutre. Hop, terminé. Donc, sur l'IRC, il y a plein de conclusions. Il y a Fesse de Babouin qui dit qu'en fait, lui, il a été pistonné par le commissaire de police de Suresnes pour faire toutes ces conneries. Il lui a promis qu'il n'aurait jamais de problème. Donc, ouais, je crois que t'es dans la merde. Ouais, bah, ça, c'est ce qu'on verra. Parce que lui, de toute manière, on a son site internet et il est transmis au commissariat de Suresnes. Donc, il a intérêt de faire gaffe à son matricule. Il y a Judge qui dit que tout l'IRC te pisse au cul. Moi, je les emmerde. Voilà. Voilà. Et Il n'y a pas de Turpentine que mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi. Comme non, elle est sur Skype, non, Turpentine. Non, non. Ton débat, il avait ni piston ni tête et mets-toi un gros piston dans le cul. Non, ben c'est bien. C'est toujours pareil, Internet. Voilà. On a terminé à combien? Et je sais pas. Je peux. Attends, je vais te dire ça. Ah, on a baissé, on n'est plus qu'à 3023. Oh merde. Non, mais c'est pas vrai. Oh merde. Ouais, j'ai plus l'international à ce temps-là. Merde. Alors donc, ce qui va se produire vendredi, merde. Donc vendredi à soirée à Bordeaux avec Max au Space Opéra. Donc allez-y nombreux. Max sera seul à mixer, je pense. C'est ce que. Il n'y aura personne dans la boîte, il n'y aura que lui, il sera seul. Avec les auditeurs qui nous écoutent. Samedi, il sera à Épernay à l'Atlantique avec Jean-Marie K. L'Atlantide. L'Atlantide, ouais, excuse-moi. Donc avec Jean-Marie K, donc venez nombreux et nombreuses aussi. Et surtout, ne cassez pas les pieds à Max pendant les deux soirées de savoir comment que je vais et Sandy, parce qu'on en a marre, Max, il en a marre que vous l'agressez sans arrêt de lui dire « Eh ouais, mais Gérard, pourquoi qu'il est pas venu ? Gérard, pourquoi qu'il est pas là ?» Et ceci et cela. Alors, ne gonflez pas pendant la soirée. Tu seras ou pas, cette soirée ? Non. Sûr ? Non, j'y vais pas. Surprise aux auditeurs ? Non, j'y vais pas. C'est sûr qu'il va là-bas ? Il ne sera pas, moi, que Max, il m'invite. Tu entends ? Okay. Donc, à la loco soirée Mambo Fusion, alors, avec Gigi Ratley, Gigi Souris, Gigi Jean-Claude Sophie, et au Pertu Rigo la Salope. Ah, d'accord, le nom. C'est qui a écrit ça? Ça fait marrer. Là, c'est Max, hein, qui lui demande. Ça fait marrer. Non, mais non, je sais que non, non, mais... non, mais rigole la salope, elle tape bien en plus. Ouais. Pierre, Pierre le nain. Et aux trompettes, okay, okay. Ouais, et aux trompettes les ferrailles et plus du cul. Et donc, on va se retrouver donc toute l'équipe dimanche. T'es sûr que t'es pas à l'Atlantide samedi? Non, oh, putain, tu vas pas me casser les couilles. Ah, moi, je vous conseille d'y aller quand même, on sait jamais. Hein. Non, bah, de toute manière, j'espère que il fera comme on a fait. Comme on a fait pour l'anniversaire de Rigole l'autre fois, qui sont nombreux. Donc, ça, dimanche, on sera au grand complet. Je ne sais pas si Sandy. On se casse là? Si Sandy sera là, parce que normalement, elle doit rentrer dimanche ou mardi au plus tard. Donc, j'ai un bus à prendre. Et donc, on va s'écouter Joe Turbo avec Va et Vient, petite. Petit piston, c'est bon, et vous allez retrouver qui c'est qui te remplace ce soir, c'est Stéphane. Et ça sera Stéphane qui vous accompagnera jusqu'à 6h du matin, et moi je vous retrouve dès dimanche soir, et bon week-end à tous. Laisse ta grosse vilaine, un sur un run run, car quand tu vois sa gueule c'est vraiment dingue dingue dingue. Laisse ta grosse vilaine, un sur un run run, car quand tu vois sa gueule c'est vraiment dingue dingue dingue. Amène-toi l'ami, viens voir la Sandy, le plus gros vilain bulldog dans la ville de Paris. C'est pas joli, ça pue la transpi, viens t'amuser avec le breton qu'on appelle Bibi. Ça sent la bouse quand tu les broutes la blouse, dès qu'elle bouge c'est surtout le sol qui move. Hey, move up, glousse comme une bruit, bouge ta graisse et lâche un groupé pour te parfumer. Move up, vas-y grosse Sandy, montre-leur que t'as pas peur de que si tu es tous les routiers, bouffer les arrières si t'aimes le camembert. Te v'la pas dans la galère avec son haleine de fer, ça fait la paire. Y'a même des vers de terre, vaut mieux pas mettre sa queue dans son gros derrière. Laisse sa grosse vilaine, assurène, reine, reine, car quand tu vois sa gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Laisse ta grosse vilaine, assurène, reine, reine, car quand tu vois sa gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Laisse ta grosse vilaine, assurène, reine, reine, car quand tu vois ta gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Laisse ta grosse vilaine, assurène, reine, reine, car quand tu vois ta gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Radio et speaker, ça se passe avec la grosse de sur une reine reine. Ouais, pour sauter Sunday, baby, je te garantis qu'il faut être dingue, mais dingue. Aïe. Moi j'agresse les hôtesses à l'hôtel qui sont vilaines et qui sont comme ça, énormes de la boîte à caca. Mais là c'est deux fois pire, faut que je me tire, c'est la pagaille. Dès qu'elle enlève sa culotte, ça devient bestial. Pousse-toi la grosse et achète du savon. Tu vois pas que je dégueule devant le cœur ton croupion. À ton contact, je deviens frigide. Frigide, frigide, frigide, c'est comme un trou qui serait mortel. Touche pas à mon heure. Regarde les mouches autour de ta moule. Oh, hey baby, essuie-toi bien, le but qui coule. Ça devient irrespirable à ton contact, l'air est acide. C'est comme un tas de poubelles, sans de l'insecticide. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, ta gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, ta gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, ta gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, ta gueule c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Sandy, si tu te fâches, bébé, faut qu'on se cache. Clairement, ouais, faut pas qu'on reste là bêtement. Si tu bouges ton cul, cache bien tes grosses verrues. De toi, on n'en veut plus. Casse-toi, la vilaine, tu pues, va faire la grue. Faut que tu jouisses, fais-toi enfiler dans tous les sentiers, va saucer. Donne-toi, donne-toi, donne tout ce que t'as. Putain, c'est fou ce que t'as, comme kilo, mais où ce que t'as. Pris tout ça de tout, Gérard s'en fout. Il veut juste sodomiser juste qu'à l'aube. Donc, vas-y, monte sur sa petite. Zigounette, hey yo, 83 style. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, sa gueule c'est vraiment dingue dingue dingue. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, sa gueule c'est vraiment dingue dingue dingue. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, sa gueule c'est vraiment dingue dingue dingue. Laisse ta grosse vilaine, un sur un reine reine. Car quand tu vois, sa gueule c'est vraiment dingue dingue dingue. Oh, et l'ami, si tu vois une grosse trop arriver. Dans le Star System, c'est ta grosse vilaine. De sur une reine reine avec Joe et Rosta et Cool Chain pour Star System. Esprit baby, 93 style. Lorsqu'on situe Albal One pour Tony Arnett, c'est Luigi Goldorak. C'est la Dream Team, Fun Radio Max, Star System 22 heures. Égal Fun. Fun Radio.